tu la vois de tes poumons. Tu lèves le petit doigt, tu es tout essoufflé. Ça te prend tout pour entrer dans ton pantalon. Encore quelques bons kilos et tu seras bon pour le musée. En as-tu assez de trop bien performer dans cette société d'obèses et des vachés? Alors bouge ton cul. Félicitations, mon jeune ami, d'avoir choisi notre institution. Nous sommes capables de miracles, même avec des cas extrêmes. Nous garantissons des pertes de poids substantielles. Bien sûr, il faut aussi un petit peu que tu bouges ton cul. Rester gros,